Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RGM 107 FM, nous sommes en direct, il est midi et vous pouvez également nous écouter en streaming sur www.radioguimozo.fr. Et aujourd'hui dans la bulle, nous accueillons l'association MC Connexion et pour la représenter avec nous, Damien de Ton Blaze Big V ou Gros Volume pour les intimes. Bonjour. Drex, comment ça va tous les deux? Bah, ma foi, c'est la grande forme. Merci à toi de nous recevoir aujourd'hui par ce radio-soleil, sous ce radio-soleil vosgien. C'est vrai. Et c'est un grand plaisir de retrouver les auditeurs et auditrices de Radio Guémozo, la station qu'il te faut. Voilà, tout est dit, c'est cool, on peut remballer. Non, je rigole. Tu rabis les gosses, on s'en va. Non, c'est moi qui vous remercie en tout cas d'être ici aujourd'hui. Alors, on va parler de MC Connexion, c'est un petit peu le paraîtrait sujet du jour. Paraîtrait qu'on est là pour ça, voilà, c'est ça. Alors, petit remember avant MC Connexion, il y a eu MC Record qui a vu le jour. Record. On a des auditeurs de la Nouvelle-Atlanta, Orléans qui nous écoutent. J'y travaille, mais ça vient pas toujours. Cette association, elle a vu le jour en 2017 pour de l'enregistrement de sons et continuer avec l'envie de promouvoir l'art urbain dans les Vosges et plus loin peut-être. Et donc c'est tout avec ces idées qu'est née MC Connexion, c'est bien ça? C'est ça, effectivement, voilà, une association de potes. À la base, on s'est retrouvés on faisait du rap, entre guillemets, dans la cave, entre guillemets, comme tout le monde qui commence. Et puis, petit à petit, on a commencé à faire ça un peu plus sérieusement. On a voulu faire mon CD. Voilà, lancer des CD, enregistrer plus proprement. On a investi dans du matos petit à petit. Et puis, de là est née naturellement la forme de l'association. Voilà, ça s'est structuré autour de ça. On a décidé de monter une structure qui nous permette un peu de pérenniser nos projets divers, artistiques. Donc, à la fois l'enregistrement et la diffusion un peu de musique et l'organisation d'événements. Avoir des facilités pour organiser des trucs. Voilà, oui, c'est ça aussi, vis-à-vis des responsabilités pénales surtout. Voilà, comme ça. On se dédouane. On se dédouane de toute responsabilité. C'est pour ça que voilà, la structure associative, ça nous permet déjà de blanchir de l'argent, évidemment. Non, mais en tout cas, voilà, ça nous permet de lancer des projets et puis d'avoir un groupe qui s'est soudé autour de ça, d'un projet commun et de pouvoir ajouter des talents entre guillemets, enfin des talents, en tout cas des envies, des personnes qui gravitent autour d'un projet commun, d'organiser des événements, de promouvoir le hip-hop, le rap. Il y a des gens dans le coin qui kiffent ça. Voilà, exactement. Et oui. Ouais. Heureusement. Paraîtrait qu'il y en a. Donc, d'où est née, comment est née la forme de l'association MC Connexion. Et donc, ça a découlé aussi en parallèle sur un groupe, une structure, entre guillemets, structure artistique, voilà, le fond du crew. C'est notre groupe, c'est différent. On va en parler aussi. Alors, MC Connexion, vous êtes combien de membres? Enfin, vous êtes, quel groupe dirige tout ça? On est une bonne quinzaine de volontaires, de bénévoles, entre guillemets. Bon, à la base, on était 6-7 à monter ça, à la base, comme projet. Et puis, d'autres personnes nous ont rejoints au cours de l'aventure. Et là, voilà, on peut compter sur une base d'une petite quinzaine de bénévoles, une bonne quinzaine de bénévoles. Donc, ça commence. Le pognon y rentre, c'est pas mal. Ça. Alors, c'est basé à Saint-Amé. À Saint-Amé, effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe à Saint-Amé? À Saint-Amé, c'est la maison mère. Hein, tellement c'est de choses. Tellement de choses. c'est là où on a mis sur pied notre home studio, on va dire. Notre premier home studio, ce qui nous permet d'enregistrer. On a nos instrus là-bas. Notre dévoué producteur qu'on embrasse bien fort, qui doit être au boulot. Alors là, tant pis pour toi. il en faut. Nous, on a enregistré. On enregistre nos instrus, nos productions, tout est fait là-bas, à la maison mère, dans notre home studio. Pas les prods, en tout cas. Pas les prods. C'est chez moi que ça se passe. Faudra installer la fibre entre les deux spots pour protéger les données. Mais donc, c'est un peu là qu'est basé et enregistré le noyau de l'association. C'est ça. Cool. Alors, il me semble aussi qu'il y avait une histoire de promotion du graphe aussi, enfin, vraiment dans l'art urbain. Non, ça, c'est alors, plus d'actualité. Bah, si, c'est toujours plus ou moins d'actualité, parce que voilà, on collabore avec Cover One aussi, notamment, qu'on embrasse bien fort là, qui ont fait un big up aussi, qui intervient de façon ponctuelle auprès de l'association, là, pour nous faire des t-shirts, pour nous faire des. Non, c'est pas lui qui fait les t-shirts. C'est notre ami Francis, la Queen qui nous fait les t-shirts tatoueurs de son état. D'accord. Mais sinon, voilà, on a des notre ami Cover One, lui qui nous a fait des fonds de scène déjà pour le groupe et autres. On avait aussi notre ami Axe2 qui avait collaboré à nos côtés par le passé. Et donc, bah, nous, effectivement, si parmi les auditeurs et auditrices, il y en a qui pratiquent cet art pictural, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour faire une collaboration. Ça peut être lancer une marque de streetwear, une collaboration avec Reebok et non mais lancer voilà, ça peut être faire une gamme de t-shirts, ça peut être faire des graphes en live pendant un concert, on ouvrira toutes formes de propositions, bien évidemment, toutes formes de propositions. Et voilà, bah, quand on disait la connexion, le collectif, on est ouvert à toute forme d'art. Dans le collectif, il y en a qui pratiquent pas le bilboquet, mais le kendama, par exemple. Ouais. C'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un bilboquet en version stylisée pour les japonais. Ceux qui pratiquent seront contents que t'aies pas dit bilboquet, je sais. Ouais, voilà. donc le kendama. Donc on a des tatoueurs illustrateurs qui gravitent un peu autour du noyau. On a des ingé-sons aussi. On a des vidéastes. Enfin voilà, il y a tout un noyau de talents qui gravite autour de notre projet associatif et on encourage en tout cas toutes les personnes qui seraient soucieuses de partager en tout cas voilà ces multiples talents de nous contacter pour envisager une collaboration. On précise peut-être, je pense que c'est important de le préciser, Louis, que nous, on est une structure associative, on n'est pas là pour faire des ronds. On vend de la beuh pour ça, d'ailleurs. On plaisante, bien évidemment. Mais on est une structure associative et effectivement, nous, on fait tout ça à titre entre guillemets bénévole. On précise que c'est à but non lucratif. Donc, effectivement, vous êtes peut-être le meilleur photographe qui soit et autres, mais nous, en tout cas, on ne peut pas se permettre de collaborer entre guillemets. Financièrement parlant, on n'est pas là en tout cas pour promouvoir monétairement, on va dire, des artistes. On fait là tout ça sur la base du volontariat. Tu viens pas nous voir pour grappiller les échelons du rap et passer à Skyrock, quoi. Non, effectivement, bah, ou alors c'est pas, tu t'es trompé d'adresse, quoi. C'est ça, tu t'es trompé d'adresse. Donc, nous on n'est pas producteur de quoi que ce soit, on n'a pas de liaison chez Skyrock ou quoi que ce soit. On s'en tape le coquillage des suivis Instagram, Twitter, machin, mes couilles sur la commode et toutes ces conneries, des followers, on fait pas du rap ou des trucs de... Du rap de chiche. Du proxénétisme numérique, on fait pas ça, ça nous intéresse pas, donc on s'en branle d'avoir des followers, des trucs comme ça. Ce qui compte, c'est avant tout profiter, faire partager notre art, se faire plaisir et kiffer, mais on n'est pas là pour faire du blé ou quoi que ce soit avec ça, en tout cas. Si on arrive à faire kiffer 2-3 personnes, c'est bien. Ah bah oui, carrément. C'est le principal. C'est le principal. Le grand but de la sauce, c'est quoi alors? La promotion de tous ces arts? La promotion, promouvoir les cultures urbaines, promouvoir les talents locaux, permettre aussi aux gens de se rencontrer. Nous, par exemple, avec Drex, on se serait jamais rencontré sans ça, peut-être. Ou au parloir, je sais pas. En cellule de dégrisement, éventuellement. Mais non, ça permet aux gens de se rencontrer, et puis voilà, de monter des projets en commun, en collectif, et puis on peut envisager pour la suite de monter peut-être des événements qui soient un peu plus conséquents par la suite. En tout cas, c'est tout le bien qu'on peut souhaiter à l'association, en tout cas. Ça, c'est sûr. Il y en a eu des événements organisés par l'association, il y en a déjà eu un, la journée de la culture urbaine le 16 juin dernier, mais bientôt aura lieu, et c'est ce vendredi prochain, le 12, hein, au bar, le Point Central à Remiremont, un concert rap hip-hop, c'est ça ? C'est ça, effectivement. Ouais. Alors, on a invité Célu Géléon et Erostrat qui vient de Lille pour rapper. Le constat, il est venu que des bars à Remiremont où il passait des concerts, où il y avait des concerts de rap, ça devenait malheureusement plus qu'anecdotique. Des concerts tout court. Des concerts même tout court à Remiremont, malheureusement. En tout cas, des concerts dans des petits concerts plus intimistes. Voilà, on va dire ça comme ça, plus intimistes dans des bars et autres, ça se faisait un peu moins à Remiremont, même si encore des endroits qu'organisent et qu'on dédicace bien fort d'ailleurs. Et oui, effectivement, on a eu l'association Airplay qu'on big up bien évidemment. Oui. Salut Mousse et salut à toute la troupe qui eux voilà sont sur un autre credo entre guillemets et eux qui sont sur des événements qui demandent beaucoup plus d'ambition, d'ampleur et d'organisation et qui à la rigueur ne visent pas la même sphère artistique entre guillemets. Ouais. On s'est dit tiens ça serait bien de venir à Remiremont pour organiser un petit truc à notre sauce, un peu plus underground ouais. À notre sauce, voilà, dans un bar à Remiremont. Nous on n'a pas on n'est pas là pour faire concurrence à qui que ce soit, ou non, on est là pour travailler tous ensemble et puis essayer d'offrir le plus large panel culturel entre guillemets à ce bassin remarimontain qu'on affectionne tant. Mettre une bonne ambiance et faire passer aux gens une bonne soirée, c'est le principal. Et donc voilà, un concert au PC à Remiremont, point central à Remiremont. Y en a peut-être qui se rappellent des derniers concerts dans ce bar. Il y a quelques années de ça, on peut presque parler d'une décennie. Ça, tu vois, t'as encore le nez qui coulait des oreilles, mon pauvre Louis. Mais effectivement, ça fait presque une dizaine d'années qu'il n'y a pas eu de concert là-bas. Donc là, on revient en force. Et puis, espérons que le public et la bonne ambiance seront au rendez-vous et qu'on pourra envisager la pérennité d'une manifestation comme ça. Carrément. Et donc, au programme, on vous a concocté un petit programme des plus sympathiques, donc avec nos amis Cédug et Léon, qui nous viennent d'Épinal. C'est un peu, pour situer, c'est un peu nos Big Flo et Oli locaux. Donc, ils aiment pas, je sais. Big up, les gars, attention, c'est quand même mieux, c'est qualitatif, et puis ça sent le fromage au moins. Mais vous inquiétez pas, les gars, Big Flo et Oli avec leur guitariste, qui ont bien assuré le bordel. Cédug et Léon. Assuré le bordel samedi à l'artiste. Donc, qu'on attend impatiemment nos amis spinaliens. De même, on a prévu aussi le passage de Aerostat, aka plus connu peut-être par le public vosgien sous le nom de Yule, qui avait fait une apparition déjà sur les planches. Je crois que c'était à l'occasion du son pour les braves, le festival. Ouais. Il me semble que c'était ou alors il était une fois dans l'ouest, dans l'est. Je sais plus exactement c'était lequel des festivals. Mais donc la Yule qui nous vient de Verdun et qui là revient lui avec une nouvelle formation. Ils viennent avec un nouveau DJ qui vient de Lille, lui, si je dis pas de bêtises. Mmh. Et donc voir, c'est un artiste complet là qui va bien mettre le feu, on espère. C'est cool. Ouais, un bon kicker. Ouais. Et puis donc le fond du crew aussi que les auditeurs connaissent peut-être. Donc on va en faire un peu de l'onanisme intellectuel là. C'est un peu merdique, c'est pas le Pérou. c'est nous-mêmes. Du coup là il manque deux membres pour avoir l'effectif au complet, qui travaillent comme des cons et en faut ma foi. et donc le fond du crew, donc c'est un peu le collectif, le groupe de rap, de hip-hop, de phare de MC Connexion. Voilà, c'est un peu le groupe emblématique, on va dire. Et oui, le fond du crew. On espère venir casser des nuques encore une fois. On donne rendez-vous à tout le public effectivement. Outre le fire. Ça sera vendredi 12 avril, au bar au PC à côté de la petite statue du volontaire. C'est à partir de 19h30. Okay. Vous pouvez venir prendre un petit café avant si vous souhaitez, évidemment. C'est 5 euros l'entrée. Bien. On est des pinces, hein, 5 euros l'entrée. Mais bon, vous savez ce que c'est, la coke et les putes, c'est pas donné. Effectivement, 5 euros pour 3 groupes. Et en plus de ça, on vous aura préparé une petite restauration, enfin de la restauration, on peut le dire. Alors, les petits sandwichs à déguster pour nos amis végétariens aussi. C'est important. Du petit houmous. Du houmous qu'on fait avec amour. C'est vrai. 2,50 le sandwich, frère. Franchement, fais pas la pince, viens manger avec nous. 2,50 le sandwich, et puis il y aura des blancs d'Inde classiques aussi. Ouais. Donc venez déguster le houmous de la connexion. Et vous serez pas déçus, vous serez pas déçus. Bien goûter le houmous de Big V. Et puis en plus de ça, on prend la carte, frère. Franchement, ça se récompte pas. On aura des petits disques à vendre aussi, bien évidemment. Bien sûr. Peut-être des t-shirts, c'est pas sûr, ma foi. Ils sont livrés. S'ils sont livrés. Ouais. Voilà, on va pas, faut pas croire, pas trop en demander trop, mais éventuellement, on croise les doigts en tout cas. Bah en tout cas, le fond du crew, bah on va en parler, hein, mais avant, bah, voilà, moi je passe un petit truc, parce que le fond du crew, quand même, ouais. Hein, ça donne ça. Ça donne ça, check ça, check. MC Connexion. Le fond du crew. MC Connexion. Écoute ça mon gars. J'en ai rien à prendre. Et que t'aimes pas. MC Connexion. Le fond du crew. Et voilà, ça c'était l'intro du fond du crew, hein, parce qu'il me semble qu'il y a un EP, il y a un EP qui est sorti là en 2019. Effectivement, ouais, hein, déjà 4,5 millions d'exemplaires vendus, effectivement. plus, peut-être, là, j'ai pas les chiffres en tête. Mais un petit EP qui a été finalisé début de cette année là, effectivement. C'est vrai, on a sorti ça en février, ouais. Et on essaie tout chaud, ouais, ça sort du four là, donc on essaye de défendre un peu le EP, même si en live on fait pas tous les morceaux du EP. On en fait quand même quelques-uns, évidemment. C'est mieux, de préférence. On en fait pas mal. Et donc voilà, sur le EP là, il y avait notre ami Solo, Feu Solo, ma foi, qui nous a quittés. Ah ouais, pour non, des raisons artistiques. Hein. Non, il nous a quittés en bon terme. Hein. Attention, il n'y a pas de problème. Dédicace à lui. Il est resté entier, ça va. Bisous Solo. Yeah. Et du coup, maintenant, on est que 4. Okay. Enfin, on est que 4. Bon, c'est déjà bien assez, hein, parce qu'après, il faut partager le cachet et tout, donc c'est la merde. maintenant on est 4, plus maintenant on a DJ Safe qui nous rejoint pour les lives, qui va mixer, un peu scratcher, ambiancer. C'est lui qui a scratché justement l'intro que vous venez d'entendre. Voilà, effectivement. Donc l'intro, c'est toi qui avais fait d'ailleurs, hein, l'instru. Toutes les instrus des CD, en fait, c'est moi. C'est... Donc voilà, c'est des produits locaux, c'est en circuit court, c'est important de s'intéresser sur la provenance des produits. Et un truc qui vient droit de la cave, directement du producteur au consommateur. Ça c'est bien. C'est pas mal aussi. Ça c'est bien. Alors, qui sont les autres donc membres de ce collectif Fond du Crew, alors à part vous deux? Alors, on a John Laffine Gachette. John Laffine Gachette, hommage à ses JFG. LFG. Hommage et référence à son passif de gamer, geek. De gros geek accro aux jeux vidéo. Laffine Gachette, Mortal Kombat. Et on a Maître Gamiags aussi. Maître Miags, donc Miyagi pour les intimes, ouais. Lui aussi c'est en référence, Maître Miags à c'est Samouraï, je sais plus, c'est un film, ça doit être American Kid ou un comme ça. Samouraï Kid, je crois, un truc comme ça. En référence à un film de samouraï, à Maître Miyagi, je crois que Maître Miyagi c'est le maître de Bruce Lee dans La Fureur du Dragon, quelque chose comme ça, je crois. Ouais, Miyagi c'est quelque chose en référence à la culture asiatique. C'est un Shaolin, Miyagi, c'est tout ce qu'il faut retenir. C'est pour ça qu'il a une petite queue de cheval et c'est tout ça. C'est pour ça. C'est pas une queue de cheval d'ailleurs, c'est un. C'est une arme. Comment on appelle ça? Vas-y, je sais pas. Non, je cherche le mot, c'est pas une queue de cheval, c'est un catogan. Ah. C'est un catogan samouraï, du coup. Il y a une nuance, quand même. Excusez-moi. Ok, donc tous les quatre, vous avez un univers complètement différent ou pas? Ouais. Oui, on peut dire ça. Mais comme on ça, a quand même un côté qui se rejoint, je trouve. Bah oui, on peut dans dire ça comme ça. Dans le sens où on a tous quelque part eu une influence punk, metal. Ah ouais. À un moment dans notre vie ou encore actuellement. Ouais, Miyagi, il se battait avec des métalleux quand il était à nous. Il avait, il avait un contact avec cette culture-là assez forte. Ouais. Non, ouais, mais en tout cas, bah, dans la démarche, voilà, nous on essaye d'être indépendants, entre guillemets, enfin, de faire les choses à notre sauce, de faire les choses à notre sauce, et puis d'aller à notre rythme aussi. On se met pas la pression, pas trop en tout cas. Oui, même si on a des univers, univers différents, on aime des sonorités différentes, mais sur la forme, ça se sur la forme, mais le fond reste un peu sur le même. Sur le beat, ça se rejoint bien. Sur le beat, quand on est avec un micro, ça se rejoint bien. Et puis voilà, on aime aussi travailler en commun, écrire en commun, faire des trucs en commun, parce qu'on sait qu'on va généralement dans le même sens, dans la même direction, on va dire quoi. Ouais. On va dans la même direction, et puis bah, chacun vient avec ses idées pour les partager à tout le monde, et puis essayer d'avoir quelque chose qui soit un peu travaillé, quoi, on va dire. Une complète cohésion. Voilà. Maintenant, on est potes avant d'être surtout de travailler ensemble. Mm-hmm. Tu vois, ouais, avant qu'on commence à brasser des millions. à se mettre la tête ensemble qu'à... Ouais, voilà, c'est ça qui aussi. Qui a cherché à faire du son pour faire mouiller Petite. Ouais, voilà, c'est peut-être ça aussi, c'est que voilà, on est potes et on se connaît avant de faire du son ensemble. Et, ça, c'est important, et, la complicité. C'est, ouais, bah ouais, c'est ce qui rajoute aussi de la cohésion dans le groupe. C'est comme ça que ça marche mieux, je crois. C'est comme ça que ça marche mieux, effectivement. Ouais. On s'écoute un son tout de suite, sorti donc de cette EP qui vient tout chaud, tout beau. Hein. Voilà, Mille et une raisons, c'est ça. Tu veux pas nous mettre avant plutôt Dans nos rues. Ouais. Dans nos rues dans en nos premier, il y a pas de souci. La fine gâchette et Miags. Ouais. Je mets ça tout de suite. Fit Miags. Eh ben on écoute ça tout de suite. La fine gâchette, hein. Check Saga. Hey, la fine Miags, une connexion. Dans nos rues, y a plus de vieux que de kiss day. Mais quand ça frappe à la porte, on se demande toujours qui c'est. Dans nos rues. Y'a plus de vieux que de kiss day. Mais quand ça frappe à la porte, on se demeure son grand. Rechiter des boires, j'arrive doucement à la trentaine. Avec Miax, on est clairement pas là pour faire dans la dentelle. Un tas de choses à dire, on écrit des 16 par centaines. Pendant que tu kiffes notre rap, il y en a d'autres qui s'en plaignent. Trop à l'ancienne, ouais. Dis rap, je suis resté bloqué. Je veux voir bouger vos têtes et que vos nuques soient disloquées. Par ici, y'a plus de beatmakers que des disques choqués. Je te parle avec le cœur en disant que j'emmerde ceux qui se moquent. Regarde-moi, j'ai bien changé avec les années. Le tabac le décerne sous les yeux, tu diras que je me laisse aller. Mais j'en ai ras le cul d'être à poil et les fesses à l'air. Me tuer au tard pour qu'à la fin du mois, il y ait une baisse de salaire. En inceste, je ne pourrai jamais tout te raconter. Mes peurs est de savoir si j'arriverai à toutes les affronter. Le fond du crew, la classe D s'effronter. On vit dans un trou, pas une tour qui m'y retenait à bon. Hey, je suis Keblo comme Aurel Sanégra. J'entre mes gosses, soirée calme et bringue. Du shit dans les sockets, que de la tisse dans l'estomac. Je traîne mes savates sur le goudron. Frangin, c'est les guignols qui se déguisent. Pas besoin de panoplie pour être quelqu'un. Bien loin de strass et paillettes. Gamin, fais gaffe aux putos des kiss qui quittent pour rien. Je regarde ce monde, on tire sur mon cul. Ça fait peur, plus personne partage son pain. Depuis petit mois, je suis traumatisé. Suite au décès du daron, je paf. Des balaves, je me relève, je prends du galon. Je me balade, loin, j'au bord des lèvres. Je fume la poudre à canon. Je rêve de vivre mes rêves, mettre bien la mifa. Y'a qu'avec eux que je m'élève. Me sers pas la pince, si quand je tourne le dos, tu me la mets. J'appuie sur la gâchette. Y'a plus de vieux que de kiss day. Mais quand ça frappe à la porte, on se demande toujours qui c'est. Y'a plus de vieux que de kiss day. Mais quand ça frappe à la porte, on se demande toujours qui c'est. Y'a plus de vieux que de kiss. Y'a plus de vieux que de kiss. Y'a plus de vieux que de kiss. Ça a l'air que de kiss, que de kiss, que de kiss day. Mais quand ça frappe à la. Mais quand ça frappe à la. Mais quand ça frappe à la. Voilà. Tous demandent toujours qui sort, tous demandent toujours qui sort, tous de mort, qui sait, tous demandent toujours qui sait. Dans nos rues, dans nos rues, mort, dans nos rues, dans nos rues, mort. Y'a plus de vieux que de son du coup, y'a plus de vieux que de son du coup, y'a plus de vieux que de son du coup, y'a plus de vieux que de son du coup. Mais quand ça frappe à la générale, mais quand ça frappe à la générale, mais quand c'est quand c'est quand c'est quand c'est quand c'est quand c'est. Dans nos rues, y'a plus de vieux que de kiss day. Mais quand ça frappe à la porte, on se demande toujours qui c'est. Dans nos rues, y'a plus de vieux que de kiss day. Mais quand ça frappe à la porte, quand ça frappe à la poudre à canon. Y'a plus de vieux que de kiss day. Y'a plus de vieux que de kiss day. Y'a plus de vieux que de kiss day. Y'a plus de vieux que de kiss day. Mais quand ça frappe à la porte, mais quand ça frappe. fera pas la poudre. Mais quand ça fera pas la poudre, voilà. Tous demandent toujours qui se poudre. Tous demandent toujours qui se poudre. Tous demandent toujours qui se poudre. Regarde-moi dans nos rues, le fond du crew. Dans nos rues, le fond du crew. Dans nos rues, le fond du crew. Dans nos rues, le fond du crew. Y'a plus de vieux que allez. Y'a plus de vieux que qui se allez. Y'a plus de je me laisse aller. Y'a plus de vieux que qui se dé. Mais quand ça fera pas la poudre. Mais changer avec les années. Mais quand ça fera pas la poudre. Et voilà pour ce premier son tout droit sorti eh bien, de cette EP qui se nomme eh bien, FDC, c'est ça, on dit ça ? Fond du FDC, crew. FDC, le fond du crew. Fond du quoi ? Le fond du crew, ouais, exactement. Le fond du crew, effectivement, voilà, avec la sauce. C'est bien cool. First EP. MC Connexion, donc une petite prod de Drex, là, avec donc nos amis Miags et la fine gâchette dessus, là. Donc, on espère que vous avez apprécié. Bah oui, oui, on c'est espère. Clair. Alors, Drex, parle-nous de ces prods, justement. Depuis combien de temps tu t'y colles, etc., etc. Ça va bientôt faire 10 ans, là, que, ah ouais que je suis sur FL Studio. FL Studio, ouais. En heure de chômage, ça fait combien ça? Alors, en heure de chômage. Déjà, c'est pas du chômage. Bon, en heure de déscolarisé. en trimestre loupé. Et en... Là, on est plutôt sur de la déscolarisation intense. Ça se voit ma façon de parler. Ça va aller. Ouais, non, je dirais 6 ou 7 ans que je fais des prods là. Waouh. Comment tu t'es lancé là-dedans à la base? Gros fou de zik. De métal et tout, à la base en fait je voulais surtout faire des musiques de métal parce que je faisais de la batterie, donc j'avais envie de faire ma batterie, ma guitare, ma basse, tout, même mon chant. Puis j'avais un logiciel tout pourri jusqu'à ce que télécharge FL Studio et que je me rende compte qu'en fait faire du métal sur FL Studio sans vrais instruments c'est quasiment impossible. D'accord. À moins de voir, c'est pas possible en fait que ça sonne bien. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais faire des instruits hip-hop. Ok. Et du coup, j'ai jamais lâché. Si, y a eu une période de 2-3 ans où j'ai lâché pour faire du dubstep, des trucs comme ça. Ah ouais. C'est sombre. C'est pour ça aussi que... c'est pour ça aussi que mais sûrement dans mes prods, on ressent une influence qui n'est pas que hip-hop, mais aussi pas mal orienté dubstep, électro aussi, mais pas de l'électro-pop. Tout ce qui finit en in, quoi. Genre mescaline, cocaïne... Ok. Le chill out brunchcore, quoi. Ok, et donc là, t'as décidé de faire toutes les instrus de cette EP. C'est ça. Ça s'est fait comme ça. Ouais, c'était un peu un défi. Comme ça. À la base, c'était pas réfléchi, sauf que quand on a commencé à choisir faire les sélections de titres pour l'EP, on en a choisi au moins 5-6, et on a vu que c'était que des prods de moi, donc on s'est dit, le reste, on va prendre que celles de moi pour celles qui restent aussi, du coup. J'ai fait pareil pour mon album solo, j'ai pris que des prods de moi. Ok. Il est sorti quand, ton album solo? En décembre, du coup. 1er décembre, si je dis pas. Ok. Oui, si, c'était ça. Ouais. Ok. 1er décembre dernier. Disso, toujours disponible. Il reste 450 000 à vendre. Au PC, on les offre au kilo, hein, d'ailleurs. Ok, ça marche. Disponible au PC et au middle. Ouais, ou alors si vous me contactez directement sur les réseaux sociaux. Ça sert quand même. Comme quoi ça peut servir, effectivement, paraîtrait-il. Voilà. Donc n'hésitez pas à commander. Ça fait des beaux petits cadeaux. Si vous voulez soutenir, ou en tout cas, ou faire old school pour avoir encore de la musique sur CD, ça existe encore. Ça c'est bien. Et sinon, on peut rappeler qu'on peut nous écouter sur Internet aussi. On a Bandcamp. Bandcamp, SoundCloud, YouTube. Et voilà, donc n'hésitez pas, le fond du crew ou Drex. Fond du crew, MC Records, tu finiras par trouver. Voilà, si tu ne nous trouves pas, c'est de la mauvaise foi. Ouais, c'est clair. Tout simplement. De toute façon, on mettra tout ça en lien avec le podcast de cette émission aujourd'hui. Moi aussi, j'ai été déscolarisée. C'est beau. Comment ça se passe pour poser son écriture sur une instru comme ça? Vous écrivez tous de façon indépendante et vous vous réunissez après? Ça, c'est à toi de répondre là-dessus. Moi, je sais que personnellement, avant, à la base, j'écris plus que ce que je n'étais destiné à faire du rap, à rapper. Ouais. Je pense que mes compères peuvent en attester. Ouais. On a quelques problèmes. J'ai quelques problèmes de rythmique. Ça va mieux, mais ça va mieux. Ah bon ? À force de se faire engueuler. engueuler par le producteur. Ce qui est ouf, c'est que du coup, les gens de l'extérieur le voient pas du tout. Il y a que nous qui le voyons galérer, en fait, parce que du coup, quand on l'enregistre, on finit par y arriver quand même. Du coup, je le mixe, ça sonne bien. En live, vu qu'il a, je sais pas, en live, tu gères toujours, il y a aucun souci, tu vois, genre. Ouais, j'ai plus de facilité en live, mais du coup, moi, ce que je disais, c'est que pour ma part, en tout cas, moi, j'avais tendance à plus écrire et puis essayer de caler après sa voix sur des instrus. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire, messieurs dames. non, vous allez, ça va. En tout cas, si vous le faites comme ça, bon, avec un peu de chance, ça peut tomber, ça peut glisser, mais le mieux, ça reste quand même d'écrire directement sur une prod, une instru, et de se laisser aller. Après, bon, bah, c'est vrai qu'il y a certains morceaux qu'on écrit, on écrit des couplets qu'on a envie de placer coûte que coûte. Mais finalement, avec du recul, moi je me rends compte maintenant, c'est que tout ce que vous avez pu avoir écrit par le passé, bah, même si ça sert pas tout de suite, ça reste dans les cahiers, et puis c'est pas une honte d'exhumer des écrits un peu plus âgés et de ressortir. On peut pas tomber juste à chaque fois, et ce qui est écrit, ça n'empêche pas de le ressortir par la suite sur des nouvelles prods et autres. Donc je dirais que le processus d'écriture, il peut aller dans les deux sens. Soit on se laisse influencer par des instrus, soit on a déjà une idée clairement en tête de ce qu'on veut faire, de ce qu'on va écrire, traiter une thématique à 100% avec des références, en proposant vraiment un univers complet à travers ça. Toi, niveau écriture, t'es le mieux placé pour en parler, je pense. Voilà. Bah, chacun son domaine. Chacun son domaine. Voilà. Moi, c'est le flow, toi, c'est l'écriture. Voilà, bah, comme ça, on a le fond et la forme à deux. C'est pour ça qu'on est en groupe, hein, parce que de toute façon, en solo, de toute façon, on n'arrivera à rien. Donc, la fine gâchette, c'est les punchlines. Ouais. Et Miag, c'est le. C'est la haine. Le lupercute. Miag, c'est la haine. Il nous écoute d'ailleurs en ce moment même. On te fait un gros big up, Frangin. Il est en train de nous écouter d'ailleurs. Là. Gros big up. On big up aussi les potes d'Épinal de 88 Records, ouais. Qui nous écoutent. Ouais, ouais. Gros big up à Johan. Et encore Simer pour le week-end passé à l'artiste à Golbey. Gros plateau, grosse session. Ça vous a plu, ça, hein. Ah ouais, on était bien contents. On a bien cassé des nuques comme il faut. ça faisait bien plaisir. Il y en a un qui s'est vraiment cassé la nuque. Hein. Ah bah, c'est vous pas possible. Vous n'avez pas vu, hein, mais... Ah mais si, bah c'est un poteau, c'est Mathias d'ailleurs qu'on embrasse aussi, il y a des vidéos. J'ai la tête, Mathias. Ouais, mais en tout cas, gros merci à Johan, et puis bah, merci à tous ceux qui étaient là aussi. Bah, merci aussi aux poteaux de Airplay, à Smoka et tout, d'avoir kické à la fin, là, tout ça. Ouais, merci de le soutien, les gars, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Ouais. Ça fait chaud au cœur. Il y a une solidarité entre collectifs, ça a l'air. Après, nous, on va pas te cacher que nous, c'est enfin, moi, en tout cas, pour ma part, le milieu hip-hop, c'est un milieu que je connais pas plus que ça, que je découvre petit à petit. Moi, pour ma part, je viens plus du punk, du crust, de ces scènes un peu plus alternatives. Et effectivement, on voit qu'il y a quand même des différences, ne serait-ce que quand on organise les concerts, tout ça. Bon, dans le milieu du hip-hop, le rapport au cachet, tout ça n'est pas le même. C'est pas pareil. C'est pas la même organisation, effectivement. C'est pas les mêmes égos non plus. Ouais, il y a peut-être une histoire d'égo que tu trouves dans le hip-hop, dans le rap. Peut-être que tu trouveras le côté pas. Côté un peu, je suis meilleur. Voilà, ouais. La concurrence. Ouais, la concurrence. Il y en a beaucoup qui sont un peu, je suis le meilleur. Bon, ouais, coup, ouais. Je parle à personne. Après, ça fait peut-être un peu partie aussi du jeu de la culture hip-hop. Tu cherches toujours. Je pense que ça fait partie intrinsèque de cette culture où il y a le côté compétitif. J'écris mieux que toi, t'écris comme un dyslexique, je te nique dans l'écriture. Moi, j'ai tel flow, j'ai un flow mitraillette, je te bousille aussi. Je pense que ça fait partie un peu du game, entre guillemets. Ouais, un peu ça a sa place dans les morceaux, mais pas dans la vie. Mais pas dans la vie. Après, ouais, c'est vrai que bon, on a rencontré des artistes dont on ne citera pas le nom. On va pas faire de pub, mais qui placent l'ego avant tout. Et puis bon, voilà. Déjà, des artistes, déjà humainement, que nous on n'aurait aucune envie de collaborer d'un point de vue artistique avec eux. C'est déjà avant tout une question humaine. S'il n'y a pas d'accroche. Pas une accroche humaine, si tu viens comme un connard avec tes chaussures pointues, reste chez toi, quoi. Mais la même longueur d'onde, il n'y aura pas de collaboration. Et nous, c'est pour ça que voilà, avec quand on avec des gars comme ceux de 88 Records et tout. Voilà, c'est un plaisir de collaborer avec eux parce qu'il y a un bon feeling, il y a un bon feeling, il y a une bonne connexion et autres. Et, ça lui fera plaisir. D'autres artistes avec qui on sait très bien qu'on fera jamais rien. Célu Géléon, on pourrait très bien faire un truc avec. Exactement, exactement. On est un peu sur la même longueur d'onde. Ah, et puis il y a le côté quand même qu'on le veuille peut-être ou non, hein, mais le côté rappeur des villes, rappeur des champs, les rats des villes, les rats des champs. Je pense qu'on sent quand même une différence. On n'a pas les mêmes. Et puis on n'aborde pas forcément les mêmes thématiques. On n'a pas le même rapport face à certains comportements. Quand tu fais du rap en ville, t'as direct accès à des studios, des trucs machin, et t'as plutôt tendance à te prendre plutôt vite pour un ouf en fait, parce que du coup t'as fait des trucs avec un tel, t'as des projets qui sonnent plutôt pas mal parce que t'as déboursé 200 balles pour pouvoir avoir un album qui est, enfin, pour avoir deux sons qui sont propres. Oh le coup bas. Enfin non, mais tu vois le truc. Bien sûr. Tu vois, alors que nous on se casse la tête à tout faire nous-mêmes, les mixages, tout, y a aucun mec qui vient de l'extérieur pour nous faire des trucs qu'on vient payer pour faire des trucs. Ouais, c'est ça aussi. C'est-à-dire, l'enregistrement, démarche, il se fait chez notre producteur. Ah, c'est des produits maison, quoi. Voilà, dans notre home studio. Après, je prends les pistes, je les fous sur mes prods, je passe 6 heures à mixer le tout, et puis voilà. Enfin, on va pas payer. Et c'est vrai qu'effectivement, voilà, nous on n'est pas dans la même démarche. Des fois, on peut sentir un fossé entre les sujets abordés, entre les petits MC qui viennent du fin fond du trou du cul des Vosges, et on n'a rien à, pas de problème avec ça. On le revendique haut et fort, alors ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais effectivement, on n'abordera pas les mêmes sujets, on n'aura pas le même rapport aux choses que si on était, si on faisait le même son à Nancy, à Strasbourg, à Metz ou ailleurs. Forcément, que l'endroit où on vit, ça va nous influencer, ça c'est évident. On est un artiste, c'est un peu le fruit de son époque et puis le fruit aussi de son environnement. Donc, n'importe où, après, je pense que tu peux trouver des gens avec notre esprit aussi en ville. Évidemment. Ça doit être peut-être plus compliqué à trouver. Je sais pas. Peut-être qu'ils se fondent dans la masse, on ne sait pas. Ouais, hein, sûrement. Peut-être. Ils s'adaptent aux produits qu'ils doivent sortir. On s'adapte sortir. Aussi peut-être. Bon. Puis t'as pas la même vie en ville qu'ici non plus. Non, c'est quoi. C'est ça. Alors on se passe un son tout de suite, hein, sorti. Allez. Encore une fois de cette EP. C'est tout chaud, c'est tout chaud. Hein, c'est tout bon. C'est comme un pâté qui sort du four le matin à genre 5. Savoure-le. Savoure-le bien, même si t'es la pâteuse. C'est mille et une raisons et on se retrouve juste après. MC Connexion, mille et une raisons. Big V, X, Solo, Miag, check. Oh, ça fait. Mille et une raisons de parfois s'en remettre au vent, d'assumer ses égarements, d'aller plus vite la musique qui t'aide à contre-temps, de croiser une caisse de flics quand t'es faré au volant. Hey. Mille et une raisons de faire couler l'encre sur le cahier, de bédave chaque saison, sans soucier de ses poumons, je m'en branle de ma part de façon. Mille et une raisons de rapper par passion. Mille et une raisons d'en avoir plus rien à foutre, de sauter l'épée dans le gouffre avant que les portes s'ouvrent. On court face au mur, frappé par l'orage, pas moyen de tourner la page, on rêve de la vue sur la plage. Mille et une raisons de fumer des spliffs en toute saison, tu sais, si je fais le son, tu sais, j'avoc ça. Mille et une raisons de m'en battre les raisins, rien n'est définitif, je vais pas te faire un dessin. Mille et une raisons, on fait le taf chaque saison. Mille et une raisons d'écouter la connexion. Mille et une raisons, on fait le taf chaque saison. Mille et une raisons d'écouter la connexion. Mille et une raisons, on fait le taf chaque saison. Mille et une raisons d'écouter la connexion. Mille et une raisons, on fait le taf chaque saison. Mille et une raisons d'écouter la connexion. Mille et une raisons d'écouter la connexion. Bien sûr, t'as compris, c'est ce qu'il te faut. Mille et une raisons de regarder la pluie tomber, d'assumer tous ses péchés, les temps sont durs mais faut y aller. Bien stressant de s'occuper du regard des gens, le ciel ne sera pas clément, pas au combat mais les gants. Mille et une raisons de coucher sur du canson, toutes ces milliers d'idées noires pour en faire de belles chansons. Je crois que j'ai fait un faux départ, je serai pas dans votre peloton. Arrête par la case comptoir, allez direct en prison. Des raisons j'en ai plein, je pète les plombs j'en ai besoin. J'ai un train de vie malsain, hein. Mille et une raisons de cramer le joint. mille et une saisons à galérer, putain. Les jeunes lâchez les triple la rançon si tu veux la paix. Mille et une raisons de vivre capuché, une balle tringue dans la poche, même quand tu bandes t'es grillé. Mille et mille et mille et une raisons, on fait le taf chaque saison. Mille et une raisons d'écouter la connexion. Mille et mille et une raisons, on fait le taf chaque saison. Mille et une raisons d'écouter la connexion. Mille et mille et mille et une raisons, on fait le taf chaque saison. Mille et une raisons d'écouter la connexion. Mille et mille et une raisons, on fait le taf chaque saison. Mille et une raisons d'écouter la connexion. Mille et une raisons sorties tout droit eh bien, de cette EP du Boum fond du crew. Voilà. On retrouvera ce son vendredi 12. Vendredi 12 avril, effectivement, au PC. On vous donne rendez-vous à partir de 19h30 pour casser des nuques, faire de la confiture de genoux. Profiter du déguster le houmous de la connexion. Mmh. Et puis passer un moment hip-hop tous ensemble, un moment ghetto. Yeah, ça va déboîter. Ça va déboîter, ça va déboîter. Cool. Et puis bah réinvestir un peu Remiremont aussi. Et ouais. Comment ça se fait que ça manque comme ça ici? Bah je sais pas, mais c'est vrai que voilà, nous on en a un peu plein le dos de tous ces bars à vin, ces burgers bio. Et... Attention, j'ai rien contre le bio, hein. Mais nous on en a un peu assez de laisser notre ville entre guillemets à parce que c'est une ville qui nous a vu grandir, plus ou moins, qu'on le veuille ou non. Et voilà, reprendre un peu les villes et pas laisser notre ville se gentrifier, entre guillemets. Pouvoir organiser des événements un peu, entre guillemets, underground, aussi un peu indépendant. C'est important pour nous aussi de ne pas laisser que ça devienne juste une vitrine pour le carnaval vénitien, pour ouais. des bars à vin et des coopératives bio. Une ville morne et sans vie. Une morne, ouais. on peut s'enorgueillir d'être peut-être une des villes les plus vidéosurveillées de France, c'est bien beau. C'est moi qui l'aurais dit. Mais en tout cas, voilà, on tenait et on tient à réinvestir les rues de nos villes pour pas juste que ça soit juste une vitrine. Il y a des gens qui habitent ici, il y a des gens qui vivent ici, qui ont envie de s'exprimer, de faire du bruit, d'organiser des choses et de faire en sorte que les gens ils se rassemblent et les gens ont envie que ça bouge. On a envie que ça bouge. Et ils se font chier les gens. Et ça nous fait chier, nous, d'être obligés de mettre 15 balles pour aller à une soirée hip-hop à la ville, d'autant plus. Oui. Alors qu'on pourrait faire pour 5 euros, frère. 5 euros. Qu'est-ce que c'est 5 euros? C'est franchement cher. Qu'est-ce que c'est 5 euros? Déconne pas, frère, franchement. Est-ce qu'un jour, il y aura une scène ouverte? Oui. Bah nous, on avait déjà organisé un événement un peu similaire l'année passée. Non, il y a deux. C'était il y a deux ans déjà. Deux ans, non. C'était en 2017, gros. Ah ouais, ouais. Oh là, le temps passait. Mars 2017. Ça déjà, waouh. Donc on avait organisé un événement similaire donc il y a deux ans avec notre ami Louis. On a fait un open mic. C'est le principe un peu qui vient des scènes rap US un peu quand même où il y a un DJ qui balance du son et chaque MC MC pour les auditeurs MC ça veut dire quoi? Ça veut dire Master of Ceremony en anglais. Donc le maître de cérémonie, celui on en apprend tous les jours. Hein. Attends, il nous apprend des choses. Le Master of Ceremony donc celui qui ambiance le bloc party, quoi, celui qui ambiance les foules, qui fait casser la nuque. Ouais. Et on avait organisé ça effectivement à Saulsur. En première partie, on avait fait un round un peu d'open mic où tout le monde a pu venir kicker un petit peu, tout le monde avait pu venir poser son instru, sa voix. Et puis notre ami Smoka, effectivement, qu'on dédicace bien fort d'ailleurs, qui avait eu la lourde responsabilité de parachever cette soirée, quoi. C'était lourd. Et donc, c'est vrai qu'on peut envisager, c'est vrai que ça nous trotte dans la tête depuis quelques temps, de pouvoir organiser, c'est peut-être un grand bien qu'on puisse souhaiter à la sauce éventuellement, ça serait de pouvoir organiser de façon plus régulière des événements, des open mic sur Remiremont et autres. Donc voilà, c'est en projet, c'est en mutation, dans le four à projet de l'association. C'est en partie pour ça qu'on a une asso. Oui, voilà. Donc voilà, pourquoi pas. On verra selon la réceptivité du public Remarimontain. C'est avant tout pour être plus indépendant. Voilà. On teste la température. On va prendre la température un peu, mais la température est bonne. Pour le moment, en tout cas, il y a des bons retours. Ouais. On sait qu'il y a des gens qui sont chauds dans le coin. Ouais. C'est qu'il y a des gens qui aiment bien le vrai rap et qui sont prêts à parce que nous parler de grosses cabriolets, de cocaïne, de barres à chicha et de salopes, comme ils disent dans leur texte, nous, c'est pas le rap qui nous va nous parler plus que ça, quoi. C'est pas ce qu'on vit au quotidien. Et justement, ça parle de quoi? Moi, perso, c'est plus dissociation, expérience de mort imminente, cauchemar, paralysie du sommeil, tout ce que tu veux. Drogue. Au rayon psychanalyse, je serai le client du mois. Rayon. Rayon Psyché, tu peux me trouver. Pour Damien, ce sera... Moi, je suis plus influencé par tout ce qui est film d'horreur, par le film d'horreur, la SF, la science-fiction. Gros vocabulaire oublié. Je sais que je suis assez friand de la langue française. Antiquaire de la langue française. La langue française. Moi, j'aime bien déterrer des mots pas trop usités, effectivement, et puis partir dans des univers... Usités. Partir inconnu. Dans des univers, ou en tout cas traiter des thématiques qui me tiennent à cœur et puis essayer de faire ça, de le faire à fond, d'appuyer avec des références. Sacré plume, Vic V. C'est bien gentil, c'est bien urbain, mon cher Modeste. De sampler des trucs qui nous parlent aussi et tout. Et puis d'essayer aussi de mélanger un peu les sonorités, les genres. C'est ça. Voilà, c'est que le début d'une aventure, de toute façon. C'est la popote. Que le début d'une aventure. Ça commence à prendre petit à petit. Et puis, on parle un peu de ce qu'on vit. La précarité pour les jeunes générations aussi, parce que c'est un sujet quand même qui nous touche aussi. La manipulation mentale. De tout ça, de tout ce qu'on a dans nos vies, le quotidien, de s'évader, de l'évasion éthylique parfois. De tout ça, quoi. De féministes qui écrivent des nouvelles érotiques. Ok, pourquoi pas. De tout. Enfin, de nos petites vies, nos petites tambouilles, mais c'est pas du rap bling-bling. Et même si des fois, je pense que ça fait partie un peu intégrante, comme on disait tout à l'heure, un partie intégrante du game, entre guillemets, mais le côté ego trip, forcément, ça nous fait rire de faire à celui qu'on a, c'est celui qui a la plus grosse. On en fait aussi, on crache pas dessus. Mais seulement dans le rap. Seulement dans les sons. Après, ça fait partie du délire, mais après, dans la vraie vie, on essaye de. On va pas dire des trucs qu'on ouais, voilà on va pas on reflète ce qu'on on rappe ce qu'on vit quoi voilà on fait tu sais quand t'arrives là devant les autres MC et que t'es en train de faire ton show enfin à quoi ça sert que je ouais y a pas besoin de dire qu'on est dans bicrave de la cam et qu'on touche des flingues c'est pas ce qu'on vit au quotidien donc nous on voit pas d'intérêt d'en parler quoi on écoute ce dont vous parlez là tout de suite allez c'est parti ouais t'es chaud pour ça Drex ouais va au tableau j'espère que t'as appris ta leçon hein. Alors on peut essayer de queue de la haine alors ouais pour tous les auditeurs et auditrices de Radio Déglingo on a tonton Drex qui est ici derrière la cabine. Exclusivité pour les auditeurs de Radio Gamezo 107.0, c'est le son qu'il te faut. Oh yeah, sweet that motherfucker. Exclusivité, que de la haine. La direction décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou propos outrageants. Yeah. Ah, chaud de rester calme, sauf des fois quand je suis béni. Sinon, je suis dans le déni, je m'oublie et je dis très vite 21. Tja, c'est nil vie, béni, pas d'orga, pas le délice, ne respire du vrai kiff très clean. Cram organe, j'ai un clone hystérique, je mets fin qu'au du hystérique. Je m'envole l'eau à toute vitesse, 6 millions de joules et je trisse les flics. Tous les jours une flaque, garde et branle et je me flanque. Je suis à côté de la plaque, posé dans ma planque. Je dois toujours être stimulé, enculé, enculé. Sinon mon corps ou mon âme se barre et je peux pas simuler. Je peux être plus con que simulé, je m'en tape de ta sale moula. Je veux juste assez pour vivre, puis inhaler sur le calumet. Parfois si muet, aucun besoin de discuter. De toute façon si je discutais, là je finirais par me disputer. Proche d'un cimetière, moi du mal à être maître. Mais moi pas au cimetière, je veux voir le véhicule brûler. Pas envie de vivre ensemble. Me parle pas de paix sociale sur le ton condescendant d'une table provinciale. Ouais, ça joue les philanthropes désintéressés. Ils se branlent sur les inrocs. Par pitié, j'en ai assez. Faites les taire, ces sociales traîtres ou au moins des hérités. Tous ces nobles et ces bourgeois, c'est parvenu, c'est planqué. J'crois qu'en temps d'occupation, tous ces ports m'auraient livré. Gang! éduqué. Ouais, je bois trop et je parle fort, mais qui donc m'a éduqué? Daltonien en monochrome, triste époque au contour morne. L'arc-en-ciel paraît bien fade, la palette me semble terne. Serait-ce là le fruit du diable, archange qui dans ma lanterne? Leur beau sourire de façade cache au fond des cœurs trop blêmes. Tous les regards se font vagues, comme cerné par mille problèmes. Aujourd'hui les esprits libres, c'est à tort qu'on les enferme. Ouais, sans cesse joie sur la table, le même bouquet de chrysanthèmes. J'ai beau fouiller mon cartable, je n'y trouve que de la haine. Et toujours cette air affable, et toujours cette même engaine. Y'a les guitares sur la plage, et les gros beats qui t'entraînent. Y'a les guitares sur la plage, et les gros beats qui t'entraînent. Ah! It's not over. Not over, check that. Wait a minute, che che che che che che che. C'est le son qu'il te faut. Dis-leur, je pense que je préfère la crémation. Face au pouvoir de la création, je prends ce truc et hop, récréation. Mange pas de la merde, réaction, crémation. Ah, que c'est ça le con crémation. Ces profanateurs de liberté contrôlent ta prestation. C'est dur sans mes rations. Heureusement pour moi, j'ai au moins des passions. Classique sans modération, quelques gros mots garde façon. Si ça semble un mauvais carton, le prends pas, man, fais pas le con. Dans 10 ans, je me vois soit mort, soit dans un asile sous barbiturique. Je m'habitue vite, mais j'aime pas trop quand ça dévie la tête dans le satellite. J'ai toujours cette air affable et toujours cette même rengaine. Je ne trouve que de la haine. Toujours cette même rengaine. Oh oh oh oh oh oh oh, 600% ghetto. 600% ghetto pour tous les auditeurs de Radio Déglingo. 66.6 FM. Ouais. Alors on rappelle la prochaine date où on pourra vous retrouver avec toute l'équipe des MC Connexion. Le 12 putain d'avril, on vient de le dire, bordel. Écoutez, au bout d'un moment. Le 12 avril, on vous donne rendez-vous effectivement tous nombreux et nombreuses à partir de 19h30 au point central. Il y aura à manger, 5€ l'entrée, des petits sandwichs pour toute la famille, pour tous les poteaux. Prévoyez casque, protège tibia. Protège Luc, un room de chevalier, c'est pas de trop aussi. Je pense qu'une belle armure. Ouais. Mais en tout cas, on tient à préciser qu'on fait des concerts pour de 7 à 107 ans, bien évidemment. Vous pouvez venir en famille aussi. Nous, on n'est pas fermés du tout. Enfin, 7, non. À partir de 7 ans, moi j'ai une mesure d'éloignement. Donc, non, plaisante, bien évidemment. Vous pouvez venir avec vos enfants et vos grands-parents, il n'y a pas de problème. Si mamie a envie de venir casser la nuque avec nous, elle est la bienvenue, évidemment. Bah oui, on est ouvert d'esprit quand même. Tout à fait, hein. C'est un peu le but un peu de notre asso. Ça peut être mal interprété, tout est question de sémantique. Je suis ouvert à la jeunesse, ça peut être mal interprété, effectivement. Il faut faire attention à ce que tu dis, bien sûr. Tant que tu dis pas la jeunesse est ouverte à moi. C'est pareil, ça, c'est question de concept, de principe. Enfin, faut pas sortir de son concept, de son contexte, c'est surtout ça. Est-ce qu'on a un dernier mot à dire avant la fin de cette émission? Écoute, je sais pas, ou tu veux le dire en musique peut-être? Je pense qu'on peut le dire en musique, ouais. On peut lâcher un petit freestyle si c'est possible. Allez. Ouais, écoute. Je peux. Allez, c'est parti. On switch. On refait un petit truc sympa pour les auditeurs de Radio Gamezo, la radio qu'il te faut. C'est le 107.0. J'aime bien quand tu combles les trous, c'est cool. C'est un métier, Et d'ailleurs, on fait une petite dédicace à tous les auditeurs de Radio Gamezo et on fait un placement de produit aussi. Vous aurez peut-être l'occasion de nous retrouver bientôt pour des formats un peu plus longs sur les ondes de Radio Gamezo pour une nouvelle émission qui arrivera très prochainement sur les ondes de votre station préférée. Attention Drex, dealer, c'est maintenant. Alors là, c'est du freestyle, hein. C'est pas du tout ce qui va se passer. Je te ferai signe pour enchaîner. Ok. Yo. Ça joue les féministes, ça écrit des nouvelles érotiques à base de purs clichés machistes. Quel mastic, et mastic bien sa bisque. Ils ont gagné d'avance, ne prends pas de risque. Sur ce sol, t'es le king si t'as du fric. Écoute Drex, écoute le disque en savourant du whisky. On détourne ton attention en te mettant en colère. Tu veux juste payer moins cher, mais tu t'en branles des ours polaires. Tu penses qu'à tes petites molaires. Le fond du crew, maison mère, on opère gros terre, bière. On a les crocs, la tête dans laser et les pieds sur la terre. On va les faire taire, mec, on va se les faire ces pierres. Merde, laisse les experts. Par passion, pas pour les ronds, mais je dis pas non. Avant tout un audiophile, allons ravager les coffres de ces pédophiles. Nous sommes en terre hostile, des esclaves de terrorisme et de contrôle mental habile. J'en ai la gerbe jusqu'à la bile, Big V. Ah, pardon les poteaux, c'est pas moi qu'il faut maudire. Ouais, ce sont mes mots, ont besoin d'un autre avenir. Faudrait pas que ce soit en vain que je gratte tous ces sonnets. J'en oublie faire des refrains encore bien loin de leur sommet. T'as compris ce que je voulais dire, vénard, moi je cherche encore. Tu me dis ce que je peux écrire, c'est l'oraison du plus gore. Je crois que ma prose est putile, et pourtant je rime encore. Y'a pas de phrase mercantile, mais un but qui tape à mort. Ouais, marionnette au bout d'un fil, suspendu aux métaphores. J'ai besoin que ce soit subtil pour pas finir disque d'or. Face à bord de débile, ma clique vient crier plus fort. Et tout au fond d'une crypte, un peu vivant, un peu mort. Et parler d'anthologie, c'est s'extraire de son époque. Ne pas renier ses écrits et chercher le sens du baroque. C'est en somme un soliloque que je radote sans cesse. Face à ces rythmes interlopes, je vous le conseille, je m'entête. Ok. Yeah. Yeah. Yeah. J'ai besoin de fumer boire pour faire de la zik qui parle de fumer boire. Frère, j'ai plus de mémoire, j'sais plus rien faire, même la purée j'poire. J'ai plus l'espoir, j'ai plus les noix, j'deviens associable. J'suis pas beau à voir, j'fais que me purger grâce au jus du diable. Tous les soirs, je me barre dans ma folie. Quand j'suis seul, quand j'suis au lit, que je tente de m'assoupir. Le jour du mal à sourire, je soupire souvent car anxieux, j'ai des carences de tranquillité. Anti-système, j'me suis senti niqué. Souvent envie d'ivresse, aide à moins paniquer. Si t'as pas saisi le thème, t'as besoin de t'astiquer. J'crois que j'me branle trop, j'suis qu'une vraie triste, sans le gros pétage de câble arrivé. Comme cette pluie, j'ai gigoté, viens déligoter mon esprit. Oui, j'ai mis le côté 500 démons, 200 PNJ, 300 psychotiques. Mon enfant intérieur ressemble à un petit gothique. Boop. Tché, tché, tché, tché, tché, tché, tché, tché. Oh. On peut dire quelques petits derniers mots, Big V, alors. Moi, je te laisse commencer. Pour, Vas-y. Glisser sur la prod. Comme sur un tapis volant, mettre les mots en place, ressentir les instruments. Aladdin en trash, qui bédouine dans l'air du temps. Errance dans le désert, j'ai la soif d'un dromadaire. Ma langue se dessèche, et grand besoin de changer d'air. Partir en croisade pour trouver le joli mot. Les bras chargés d'or, par les perles de Mondico. Salomon s'endort, aux côtés de son trésor. Ma plume est précieuse, car mes mots n'ont jamais tort. Les rimes sont vicieuses, insidieuses et obséquieuses. Deux maudites sirènes qui envoûtent toutes les nuits. Toutes les âmes en peine qui se débattent dans les écrits. Besoin d'un harem sur du papier recyclé. Mes lignes sont des chiennes, écoute-les donc aboyer. Besoin d'un harem sur du papier recyclé. Mes lignes sont des chiennes, écoute-les donc aboyer. On finira par donner la tendance. En attendant, on dit ce qu'on pense et les suppos de sa tendance. T'es v'là en transe. Le fond du crew du fond de la France débarque et tout prend sens. Même si une merde est sans défense face aux habitués des sans défonce. T'envoie valser dans les ronces. Je m'en branle, ça me fait rire. J'ai besoin de ma drogue pour écrire. Viens pas taper dans ma con. Si je kiffe pas mes sourcils, je fronce. Si je kiffe pareil, mais différemment. J'aime me la mettre illégalement. Fuck médicaments, j'ai du pile en camant. Je sais pas comment ni pourquoi. Tu sais pas non plus, il sait pas non plus. Mais putain, qu'est-ce qu'on fout là. Ferme ta gueule avec tes questions. Ouais, t'as raison. Nique sa merde, façon, je suis trop con. Con pour comprendre, je suis bon tendre. Même si j'ai une haine constante, certes, à quoi bon stand. À quoi bon faire la gueule au lieu d'être content. À quoi bon se ruiner la vie au lieu de passer du bon temps. À quoi bon faire chier le monde avec tes conneries, bon sang. Radio Gamozo, freestyle. Freestyle du Rex sale pour vie. Radio Gamozo. Bonne journée à tous. 107.0. Tchè tchè tchè tchè tchè tchè tchè. T'as entendu le son qui tue. La la la la la la la la la. Et j'ai entendu le son qui tue. As-tu entendu ça, ma gueule? Rendez-vous donc le 12 avril. Ouais. 12 avril. Soirée 100% hip-hop, ghetto, street, lourd, fabuleuse gang. Pour casser des nuques, tous ensemble. 5 balles, frère. Ouais. 5 balles, sœur. Au lieu de te prendre un grec. Allez, merci. Hein. Merci, grosse dédicace à merci, tous les potos, à la famille. Merci à toi, Lia. Merci à Radio Gamozo. Merci à tous les potos qui soutiennent. Bisous à Miak, Delevier et Miguel. Et à tout le monde. Ciao, ciao. Tchou.